CFOU 89.1. Cette semaine, on met ses plans de show. Dans le segment Geek CNX, le test de Rorschach pour remplacer les mots incompréhensibles à l'ouverture d'un compte sur le net. Prochaine étape, l'interprétation des rêves. Dans Television, les autorités chinoises veulent limiter les téléréalités. Moi, je prédis que ça va causer des émeutes, ce qui ferait une très bonne réalité, téléréalité d'ailleurs. Et dans la Geekette, dans l'avenir, les princesses de Disney se déguisent pour l'Halloween. Tout ça et plus tout de suite au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Et voici celui qui se lance dans la lecture des écrans bleus de la mort, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Dr. Herman Rorschach et un peu comme Rorschach avait besoin de tâches pour comprendre les gens, j'ai besoin de quelqu'un à qui parler, donc j'accueille Maria Picard. Bonjour! Bonjour Mathieu Plante! Hey, hey, content de te retrouver après une semaine sans parler du tout. Ben oui, moi comme aussi je suis bien contente. Et les choses geeks, c'est quelque chose que, tu sais, on a comme un lien là-dedans. Ouais, écoute, faut tu connais faire ça. Faut pas s'y méprendre, tu connais ça. Et voilà. Puis dans l'émission, on aura C'est un fait, Tech Edition, Television, ainsi que la Geekette en devenir pour terminer l'émission, comme toujours, sur une note parfaite. Une note féminine. Tout à fait. Dans quelques instants, on va débuter avec le segment Geek CNX, mais avant de débuter, on commence à débuter, on débute le commencement avec de la musique chiptune. Ben oui, oui. Tu pensais t'en sauver? Ouais, peut-être. Non. Ben non. On s'en va entendre un artiste qui s'appelle Robert. Et la pièce s'appelle I Want You Back. Excellente, excellente pièce qui commence vraiment étrangement. Donc, je vous laisse écouter ça. Puis, pour vrai, regarde ça, gars. C'est Mathieu Plante Show. Ah, c'est fou. MPS. Ça se tape. Ouais, c'est ça. C'est comme si ça avait de la bizarre. Elle va-tu partir? Là. J'espère que vous l'avez plus reconnu que moi, parce que sérieusement, je l'ai écouté hier plusieurs fois, j'ai trouvé vraiment génial, et ça a pris à ce qu'elle joue en ondes pour que je me rappelle et que je comprenne la mélodie. Mon Dieu! Oui, c'est les Jackson 5, I Want You Back. Pas vite. J'aurais jamais deviné ça. C'est bizarre, c'est une drôle de journée assez fou aujourd'hui. Plutôt ce matin, on a entendu du Luc de la Rochelière au Précieuse Ridicule. Après ça, il y a eu une pièce de Axel Red à connaître ensemble. Ah, c'était quoi la pièce d'Axel Red? La plus connue. La Via... pas la Via Rose. Oh non, c'est quoi? En tout cas, celle-là. Là. Et là, on vient d'entendre les Jackson 5. Donc, journée musique populaire aujourd'hui. Mais bon, au moins, c'est des façons différentes de l'amener en chiptune. Ouais. Donc, toujours au Mathieu Plante Show et on continue. On commence en fait avec une chronique, la première de l'émission. Voici Cynix. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur. C'est pas tout ce que j'avais à dire, c'était la plus connue, pour et que voilà. Tu comprennes. Oui, voilà. Donc, c'est Nick, c'est la collègue geek, le bulletin geek, en fait, commence avec, évidemment, les annonces de cette semaine. On n'a pas le choix, on ne peut pas passer à côté. C'est le Mathieu Plante Show, et si on le faisait pas, ce serait que de ne pas faire ce job. Ça serait du gaspillage. Et voilà, donc, on parle des annonces d'Apple qui ont eu lieu, si vous écoutez en direct, hier. On est mercredi pour nous. Donc, le nom du nouvel iPad est désormais suivi du même complément que les MacBook. Donc, c'est maintenant le iPad Air comme le MacBook Air. Pesant seulement une livre, l'iPad Air est 28% plus léger et 20% plus mince que son prédécesseur. Empruntant le look de l'iPad mini, ses marges latérales sont également 43% moins épaisses, beaucoup moins de contours, ce qui fait beaucoup plus beau parce que moi, je l'ai trouvé vraiment large. Et, Oui, hein? Il y en a qui aimaient ça parce que tu pouvais le tenir et genre, sans toucher à l'écran. Ouais, OK. Pour les pages, mettons, changer les pages d'un livre. Ouais. Donc, l'iPad Air promet d'être deux fois plus rapide que son prédécesseur, notamment grâce à son nouveau processeur A7 et l'architecture 64 bits, pareil comme sur l'iPhone 5S. Mmh. La rumeur voulant que ce nouvel iPad soit équipé du même lecteur d'empreintes digitales que l'iPhone 5S est avérée fausse, ce qui me surprend vraiment beaucoup. Je m'attendais vraiment à ce que s'ils font dans le 5S, qu'ils fassent dans l'iPad Air aussi. Ouais. Je trouve que c'est une drôle d'opportunité ratée. Apple a contredit la rumeur voulant qu'il soit impossible que cette tablette puisse être dotée d'un écran Retina. On se rappelle qu'il y a quelques années, on avait dit que ça ne se faisait pas, que la batterie serait pas assez bonne pour ça. Mais bon, évidemment, les choses ont évolué. Les batteries sont maintenant meilleures. Donc, on a pu s'y rendre. Sinon, Apple a éliminé toutes les anciennes générations d'iPad de son catalogue, à l'exception de l'iPad 2 qui reste. C'est bizarre parce que c'est pas le modèle juste avant, c'est un modèle très très vieux, l'iPad 2, mais il doit coûter vraiment rien à produire, donc pour eux c'est avantageux. Et le premier iPad mini qui reste aussi, ils offrent ça à 400 et 300 $ américains respectivement. Oui. Oh, oui. L'iPad Air et l'iPad mini avec écran Retina seront lancés en novembre. Le premier va être à 500 $ US pour le modèle Wi-Fi et 16 GB d'espace de stockage. Le second sera affiché à 400 $ pour la version Wi-Fi avec la même capacité, donc 500 et 400 $ pour les iPad Air et iPad mini avec écran Retina display. Voilà. Moi, je veux un iPad Air. Moi aussi, pour vrai. J'ai un MacBook Air, comme bien les gens. Et c'est une machine de la mort que j'adore et qui est tellement légère. Hey, une livre, là. Une livre, c'est quasiment la même chose qu'une livre de bar, man. Est-ce que je choisirais une livre de bar ou un iPad Air? Le choix est difficile. C'est dur, hein? Je avec le prix. Là-bas. Un peu plus d'un an après avoir lancé la première génération du MacBook Pro Retina Display et quelques mois après avoir lancé les MacBook Air à processeur Aswell, Apple annonce comme prévu la seconde génération de MacBook Pro à écran Retina. La principale nouveauté est naturellement l'adoption de la plateforme Intel Aswell qui donne une meilleure autonomie. Le modèle de 13 pouces perd aussi du poids et de l'épaisseur. Le MacBook Pro Retina de 13 pouces pèse désormais 1,57 kg pour 1,8 cm d'épaisseur. L'ensemble offre une confortable autonomie de 9 heures. Le modèle de 15 pouces avec autonomie légèrement inférieure de celle de 13 pouces, c'est 8 heures. Et les nouveaux MacBook Pro Retina seront moins chers que les deux prédécesseurs. En fait, on descend de 200 $ de chaque côté. Et là, je ne suis pas allé sur le site d'Apple Canada pour voir les prix en dollars canadiens. Attention, alors que j'y vais live comme ça à la radio. Hé, tu fais ça, toi? Je suis un amateur de sport extrême. Ouais, tu joues dangereusement. On peut le voir. Donc, allons-y pour l'achat. Est-ce qu'on peut juste acheter un MacBook Pro là-dessus? Oui, voilà, allons-y. Le 13 pouces est à 1350 et le 15 pouces à 2050. Oui! Ouais, mais t'as l'écran Retina qui vaut vraiment cher. Ah, mais il y a une grosse différence entre les deux, là, quand même. Ben, j'avoue que, moi, personnellement, j'irais avec le 13 pouces. 15 pouces, c'est pour ceux qui font sûrement plus de la vidéo. Là. Avec l'écran Retina, les caractères sont tellement beaux, même de loin, même petits, qu'on pourrait le 13 pouces, c'est fabuleux. Parce que Scoop, là, en ce moment, t'as un 11 pouces. Oui, et je suis très heureux. C'est ça. Alors, le 13 pouces serait sûrement suffisant. Imagine Retina là-dedans. Toi. Hey. S'il pouvait sortir un MacBook Air Retina, ce qui n'était pas le cas à cette mise à jour-là, je m'attendais à ça, mais bon, que voulez-vous? Ils veulent que ce soit en dessous de 1 000 $ et je les comprends. Mm-hmm. Maintenant, parlons de OS X, ouais. Mavericks, qui est sorti hier. On va en parler très, très rapidement parce que j'ai malheureusement pas eu le temps. Physiquement, dans une journée, il n'y a que 24 heures. Oui, effectivement. J'ai pas eu le temps. Apple a lancé une nouvelle version de son système d'exploitation. Donc, c'est OS X. Contrairement à Microsoft, elle l'offre gratuitement. Vous avez sûrement entendu. Donc, pour vrai, on va seulement, comme ils disent dans le domaine du lait, skimmer ou encore, je crois que c'est écrémer. Ouais. En français, on va écrémer la nouvelle. Donc, traditionnellement, un nouveau système ralenti, l'appareil sur lequel on l'installe ici, on nous dit, selon Apple, que ça va améliorer le tout, ça va l'accélérer. Donc, ça va mieux gérer la mémoire vive, la mémoire vidéo et la consommation électrique, en plus d'améliorer l'autonomie des ordinateurs. Parmi les nouveaux logiciels intégrés à cette nouvelle version, on retrouve Plan, ça c'est Maps en anglais, une application de cartographie homologue à celle offerte sous iOS 7. Donc, vous allez sûrement vous trouver sur un tarmac d'aéroport en suivant vos lignes directrices d'Apple. Mavericks inclut également l'application iBooks pour lire des livres, un peu comme Kindle l'offrait déjà sur le Mac. Nous croyons que la meilleure façon de le faire est d'amorcer une nouvelle ère où les mises à jour de système d'exploitation sont gratuites, dit Apple. Bon, évidemment, j'ai enlevé la référence de plus tôt dans l'article. Nous voulons que chaque utilisateur de Mac puisse découvrir les toutes nouvelles fonctionnalités. C'est pour ça que c'est gratuit. Les propriétaires de Mac peuvent télécharger le système d'exploitation gratuitement, peu importe qu'il roule Snow Leopard, Lion ou le Mountain Lion. Donc, les trois plus récentes avant, avant Mavericks. On dit gratuit. Évidemment, il faut avoir un Mac. Donc, déjà, t'as payé pour la version d'avant, intégrée au prix. Mm-hmm. Et si tu l'as depuis longtemps, depuis Snow Leopard, t'as payé 20 $ pour, mettons, Lion, un autre 20 $ pour Mountain Lion. Et là c'est gratuit, tu sais. Mais là, pourquoi ils décident de mettre ça gratuit? Mais ben, les autres, il fallait-tu le payer? Je sais pas. Ils font leur argent tellement ailleurs. Ils prennent une cote de genre 15% ou plus sur chaque chanson vendue, sur chaque application vendue, sur chaque ordinateur vendu. Ils font des milliers de dollars de profit. Ben, peut-être pas des centaines, mettons. Donc, le 20 $, est-ce qu'ils en ont vraiment... Et comme ça, ils se donnent bonne conscience. Le public les aime parce que c'est gratuit. Ils vont dire, waouh, Apple, c'est tellement génial, ils me donnent des affaires gratuitement. Ils prennent leur argent ailleurs. C'est un bien pour un mal pour eux, tu sais. Un mal pour un bien. Ouais, mais en même temps, c'est plate, là, parce que, mettons... On invente des histoires. T'es un client assez... depuis longtemps. Ouais, qui a le portefeuille facile, qui leur envoie des petites scènes une fois de temps. Mais là, c'est plate. Parce que là, t'as payé toutes les fois le 20 $, ouais. tout, puis là, t'arrives, maintenant, c'est gratuit. J'avoue. Oui, c'est le fun, mais c'est comme... Ouais. C'est clair. Pourquoi qu'il n'a pas fait ça depuis le début, justement? Il savait bien que ça marchait. Je suis d'accord avec toi. Et avant, c'était beaucoup plus que 20 $. Donc, c'était récent que c'était 20 $. Donc... Il devrait te rembourser. Ben là, tu vas un peu loin. Tu vas aussi loin presque qu'un Californien qui est mécontent de la nouvelle mise à jour d'iOS 7 pour iPhone et iPad, qui a décidé de traîner Apple devant les tribunaux. Là, c'est sûr qu'il va perdre. Mark Manager, ou je pourrais l'appeler Mark Menaché. Menaché a déposé un recours au tribunal d'instance de San Diego contre le PDG d'Apple, Tim Cook, lui-même, directement, direct au sommet. Ben, voyons donc, il n'y a pas froid aux yeux. Non, contrairement dans le pavillon où on gèle les couilles aujourd'hui. Oui, en effet. Il voudrait qu'iOS 7 ne figure plus sur les appareils Apple de sa famille. Non, moi, j'aime pas iOS 7, c'est trop fafa, bébé. T'avais juste à pas te télécharger, man. Ben, c'est justement ça l'histoire. Ce qui pose le plus de problèmes, selon lui, c'est le fait que cette mise à jour a été automatique. Qui dit... Ben là, est désormais impossible de retourner à la version iOS 7. C'est vrai qu'il ne peut pas revenir en arrière. Mais que c'est automatique? Elle n'est pas automatique? Faut-tu le brancher puis faut-tu la télécharger? Ben ouais, ouais. C'est pas automatique, non. Là. Il fallait que tu fasses. C'est pas genre, tu rouvres ton téléphone un matin, là, puis pouf, t'as déjà iOS 7. Puis c'est pas comme ça faisait pas depuis le mois de juillet qu'on parlait de la bêta et qu'il y a eu des vidéos partout, puis t'es au T'avais courant. Juste à pas télécharger, là. Tu sais, quand il te demande, voulez-vous télécharger? Tu fais non. Non, merci, c'est ça. Mais bon. Ah. J'imagine qu'à un moment donné, c'est sûr que ça va être forcé. Peut-être qu'après quelques semaines, ça a été à un moment donné un petit peu forcé. Mais en même temps, Mais pourquoi? Si l'autre en est bien et qu'il n'y avait pas besoin du supérieur, c'est. C'est vraiment d'essayer de faire de l'argent sur le dos d'une compagnie qui a beaucoup d'argent. Donc, ouais. Mark Menaché n'est pas le seul détracteur du nouveau système d'exploitation d'Apple. Moins d'une journée après la mise en ligne d'iOS 7, on en parlait récemment au Mathieu Planchot, certains utilisateurs se sont plaints du nouvel OS, invoquant que son affichage 3D et ses zooms leur donnaient le tournis. Oui. Les critiques ont redoublé dès lors qu'Apple a rendu impossible le retour à la version antérieure iOS 6. C'est sûr que, bon, maintenant, avec la mise à jour de... Et là, j'ai pas mon... Est-ce que je l'ai dans ma poche? Ben, parce j'espère. Qu'il y a une nouvelle version qui... Ben, j'espère, moi aussi. Il y a une nouvelle version qui est sorti hier, donc mardi, qui s'appelle la version, attention, iOS 7.0.3, qui améliore plein de choses, dont entre autres la gestion du 3D comme ça. Oui. Ça dit possibilité de minimiser à la fois les mouvements et les animations grâce aux améliorations apportées au réglage réduire les animations. Donc maintenant, tu peux empêcher certaines affaires. Donc, j'espère que ça va calmer un petit peu les gens. Et je pense que Apple a juste à dire, regarde, on l'a changé le paramètre. Là, ton argent, tu peux t'en mettre où je pense, monsieur Menachi. S'il vous plaît. Ah non, il va perdre, là. C'est clair. Il se bat contre Goliath, là. Aussi, il y a ça. Évidemment, il faut encourager les petits David, là. C'est David, le petit. C'est ça, pour des raisons qui sont bonnes. Valable. Ici, pas tant. Pas tant. C'est un peu, Un peu n'importe quoi. D'ailleurs, parlant d'un peu n'importe quoi, mais qui est un petit peu intéressant quand même sur les bords, et littéralement sur les bords, à quoi ressemblera le prochain téléphone intelligent? Google a une petite idée et vient de recevoir les droits sur un brevet décrivant de nouvelles manières de contrôler le contenu de son téléphone intelligent. Nouvelles idées d'interaction fleurissent régulièrement concernant l'usage de l'écran multipoint des téléphones intelligents. BlackBerry 10, Ubuntu Touch et Sailfish OS, par exemple, reposent presque entièrement sur les gestuels en les associant à certaines actions. Ben, de son côté, Google estime qu'il y a encore matière à évoluer, mais cette fois-ci en préconfigurant un ensemble de pressions sur le châssis même du téléphone, sur le case. Le brevet en question associe plus précisément certaines actions au sein des applications à des pressions latérales effectuées entre la paume de la main et les doigts. Une pression en haut pourrait permettre, par exemple, de faire défiler la liste de messages dans le client mail, donc sans bloquer le visuel de l'écran. Tu sais, quand tu mets ton doigt sur l'écran, c'est que tu bloques l'écran. Sur les côtés, tu pourrais monter et descendre sans toucher à l'écran en tant que tel. Pour vrai, c'est vraiment cool. J'avoue que c'est cool. Un geste similaire au centre du châssis dans Google Maps se traduirait par un zoom. Une pression au bas entre la paume et l'auriculaire activerait un retour en arrière sur le lecteur de musique, par exemple. Ce concept inclut également des appuis en cisaille, c'est-à-dire en remontant sa paume de main tout en baissant ses doigts. Je sais pas, quand, j'ai de misère à me l'imaginer, même en l'expliquant. Pour par exemple effectuer des rotations vers la droite ou vers la gauche, tu twisterais un petit peu sur le bord du téléphone. Pour l'heure, il ne s'agit que d'une propriété intellectuelle, donc d'un brevet. Il reste à savoir si ça va voir le jour au sein des prochains téléphones Android. D'après moi, Apple va dire, vous avez pas besoin de ça. Non, exact. Comme le NFC, ils vont dire, bah, non, c'est pour les losers, là, les mouvements. C'est ça. Franchement, on n'a pas besoin de tactile sur les MacBooks non plus. Là. Ça, c'est pour les arriérés Windows, je joue avec mes coudes sur l'écran. Maintenant, parlons de Facebook. Les vidéos de décapitation à nouveau autorisées. Vous avez sûrement entendu parler de cette nouvelle-là. Encore une fois, ça a fait le tour. Mais Facebook avait cédé aux pressions en mai dernier et décidé de supprimer toutes les vidéos de décapitation. Et bien, la BBC vient de révéler que la firme a finalement décidé de refaire machine arrière et d'autoriser de nouveau ces affaires-là. Facebook a par ailleurs déclaré travailler sur de nouveaux outils permettant aux utilisateurs de contrôler le contenu qu'ils pourraient visionner, tels que des messages mettant en garde contre la violence de certaines images. Pour information, les images de nus sont toujours largement censurées sur le réseau. Mais les décapitations, c'est correct. Et pour en venir en fait au même sujet, le réseau a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité grâce à laquelle il espère convaincre les médias de publier davantage de contenu sur Facebook, de préférence à celui de concurrents comme Twitter. Le nouvel outil baptisé Stories to Share suggère aux administrateurs des pages Facebook de médias des articles qui ont été publiés sur leur site, mais pas sur le réseau, et ont un bon potentiel pour avoir un effet viral. Donc, dans le fond, ils vont aller sur tes sites web, genre Super 2.0 qui bougent partout, puis qu'il y a des nouvelles dessus. Ils vont te dire tu devrais les partager sur Facebook. Bon. Donc, ils précisent que le test ne concerne pour l'instant que les sites des organisations et éditeurs de presse, mais d'y travailler en vue d'élargir le cas échéant la fonctionnalité à des éditeurs de tout type. Facebook affirme que le trafic apporté par son réseau aux sites de médias a augmenté de 170% au cours de l'année dernière. Maintenant, les élèves ingénieurs de la Carnegie Mellon University ont mis au point un système basé sur le test des taches d'encre de Rorschach pour potentiellement remplacer ce qu'on appelle les CAPTCHA. Les CAPTCHA, si tu te rappelles, au début des années 2000, c'est apparu sur des... dans le fond, c'est une suite de lettres ou de chiffres déformés. Tu sais qu'on n'arrive jamais à comprendre. Oui. Puis là, tu fais actualiser, donne-moi en un autre. Finalement, c'est aussi pire. C'est ça. Au 5e, 6e essai, tu finis par comprendre. Donc, l'internaute doit écrire dans une case pour prouver qu'il n'est pas un robot. Un système populaire, mais qui n'est pas sans défaut et peut-être déjoué par des bots toujours plus performants. Un constat qui a poussé Jeremiah Blocky, Manuel Blum et Anupam Datta, deux chercheurs de la CMU, de se pencher sur une alternative. Donc, ainsi est né le GOTCHA pour Generating Panoptic Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Ce dernier se base sur le test de Rorschach utilisé en psychiatrie et en psychanalyse qui demande à une personne de décrire ce qu'elle voit dans une série de taches d'encre symétriques. Le GOTCHA cherche à capitaliser sur la capacité de l'homme à reconnaître des formes visuelles. Donc, des taches d'encre similaires à celles du test de Rorschach sont présentées à un internaute au moment où il s'inscrit sur un site. Il doit alors décrire ce qu'il voit en une phrase. Lorsqu'il reviendra plus tard s'identifier, les descriptions et les dessins seront mélangés. Il devra faire correspondre le texte et les formes pour accéder au service. C'est pas fou quand même. L'idée de déjouer toute attaque automatisée qui pourrait être lancée par des pirates par le biais de robots. Sur 70 participants, par contre, seulement 17 ont été capables de faire le couple parfait. 10 jours après le premier test, c'est donc un échec total. Ben oui, tout à fait. Le gotcha pourrait alors être proposé sur une base facultative, étant donné que ça n'a pas fonctionné tant que ça. Il faudra donc encore un bon moment avant qu'une alternative fiable au bon vieux CAPTCHA n'arrive. Mais les recherches vont bon train pour lui trouver un remplaçant. Moi, ce que j'aimerais, ce serait peut-être quelque chose de plus auditif, mettons, vocal. Une phrase qui serait dite... je sais pas, par une actrice professionnelle, les robots, ben je sais pas, peut-être que j'imagine que les robots pourraient être assez intelligents pour comprendre ces phrases-là. Ouais, c'est ça. Ou une vidéo, quelque chose comme ça, quelque chose de visuel. Là, je sais pas. Ouais, je sais pas. Bon. Donc, maintenant, il y a une compagnie qui s'appelle Bevy qui, pour faire un coup de pub, a envoyé une alerte par rapport à une fausse fusillade sur un campus universitaire. Ouais, donc un étudiant de l'Université de Caroline du Nord a eu une bien mauvaise idée afin de promouvoir son application. Taylor Robinette. Méchante robinette. Ça a coulé de tous les bords de côté comme un robinette. Donc, il a lancé récemment l'application de son nouveau réseau social Bevy. Dans le but de promouvoir celle-ci, l'étudiant a envoyé un courriel à ses collègues universitaires au sujet d'une fausse enquête policière concernant une fusillade sur le campus. Celui-ci parle d'une innovation qui aurait été apportée... Donc, il parle d'une innovation qui aurait été rapportée au service de police de Chapel Hill. Il fait état de coups de feu qui auraient été tirés en plein jour et décrit la victime comme étant un réseau social bleu et obsolète. C'est une blague de Facebook, genre. Donc, l'émetteur du courriel est identifié comme étant UNC à alertcarolina.com, ce qui laisse croire qu'il s'agit d'une alerte transmise par l'Université de la Caroline du Nord, Alert Carolina. Donc, l'université a bloqué l'accès au site de Bevy de son réseau et a publié un communiqué afin d'avertir les étudiants du courriel frauduleux. Mais quelle mauvaise idée! Mais oui, vraiment, là. Fusillade contre Facebook. Tu fais pas des niaiseries comme ça dans un moment où ce qu'on est rendu, là. C'est ça, il y en a tellement de ces temps-ci. Disons que le moindre petit... Not cool! Fail! Ensuite, allons-y avec une radio publique française qui distribue des téléphones à des sans-abri pour qu'ils tweetent leur quotidien. À l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. C'était jeudi passé, le 17 octobre, en France. France Inter s'est associée à plusieurs organismes, dont la fondation Abbé Pierre, pour lancer l'opération Tweets de rue. Mais deux avec le chiffre 2. Les téléphones intelligents avec un forfait équipé d'une connexion Internet ont été distribués à 5 sans-abri entre Paris, Metz et Bourges, pour qu'ils puissent partager leur quotidien sur leur réseau social Twitter jusqu'au 15 mars. Tout au long de l'opération, une formation leur sera assurée par Génération Réactive, une association à l'initiative du projet. Je cite, il s'agit également de sensibiliser l'opinion publique à la lutte contre la précarité et l'exclusion, ainsi que d'infléchir les politiques publiques, tant nationales que locales, en matière de logement. Le hashtag a aussitôt été assailli de tweets critiques à l'égard de la démarche. Évidemment, hein, les gens vont parler contre les sans-abri sans cesse. Hein. Ouais. Mais bon, ça divise les utilisateurs de tweets. Et pour terminer, ma seule nouvelle jeu vidéo de la semaine, vous remarquez que je parle pas tant de jeux vidéo parce qu'il n'y a pas tant de nouvelles importantes de ces temps-ci. Ben, en fait, il y en a qui s'en viennent et il y en a qui ont eu lieu, mais là, il n'y en a pas. On est comme dans le creux, là, on attend qu'ils sortent les maudites consoles. Donc, c'est dommage. C'est dommage. À la surprise générale, l'hypothèse d'une pratique cross-plateforme, donc entre les machines Nintendo et d'autres consoles, avait récemment été suggérée par le studio Ripstone à l'œuvre derrière Pure Chess. Pour improbable qu'elle soit, cette fonctionnalité vient d'être confirmée de façon officielle par Nintendo auprès du site VG247. Je cite, « Nous pouvons confirmer que cette fonctionnalité de jeu cross-plateforme est possible dans certains titres sortis sur 3DS ainsi que sur d'autres consoles concurrentes. » Ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir jouer en multijoueur contre des utilisateurs de d'autres consoles que celle de Nintendo dans le futur. Les premiers jeux concernés par le cross-plateforme sont Disney Infinity, avec c'est de la cross-plateforme avec les applications mobiles, Cubeman 2 et le Pure Chess de Ripstone dont on parlait tantôt, qui permettront donc à des joueurs de machines différentes de se retrouver en ligne. Quant au développement futur de cette fonctionnalité surprenante, Nintendo annonce le développement de nouveaux jeux l'intégrant. Donc c'est quand même une bonne idée parce que Nintendo avait ne fait que se renfermer sur son propre monde. Ouais, c'est ça qui arrive. Hein? Comme ça, ouais, c'est ça. C'est dommage, mais c'était la même chose. Je sais pas si ça l'est autant. Je sais pas si c'est tellement Xbox. Mais dans le temps, tu pouvais jouer seulement avec les utilisateurs de PlayStation d'un bar et les gens d'Xbox, c'était un autre service. Ouais, c'est ça. Même chose pour comme PC. Un rival. C'est dommage. Mais bon, si c'est pour changer, tant mieux. Mm-hmm. On a une deuxième pièce de chiptune à entendre pour aujourd'hui. On s'en va entendre l'artiste Weird Bananas. Weird Bananas? Weird Bananas. Comme dans Banane Bizarre? Bizarre Banane, Banane Bizarre. Bizarre Banane? La pièce s'appelle Dank Bank Stank. Mir. Mir. Mir. Thanks, Pank, your bananas. C'est MPS, le Mathieu Plancheau. La pièce Dang Bang Stank par Weird Bananas au Mathieu Plancheau. Bien évidemment, on parle de choses geek et on était dans Scénix tantôt avec le bulletin geek. Là. Oui. Deuxième partie de Scénix, voici Wow! What? Web! Et c'est Wow! What? Web où on parle un petit peu de ce qui se passe sur Internet en ce moment. La chose dont tout le monde parle, mais je sais pas, en même temps, moi je l'avais pas vu passer, je sais pas, je devais être trop occupé à autre chose. Oh. Mais le système d'Apple iOS 7 reproduit sur Microsoft Word, est-ce que tu l'as vu? Non. C'est vraiment cool, c'est un gars dans le fond qui prend la maquette de iOS 7, là, c'est les petits icônes ronds, qu'il met sur son Word et fait chaque forme une par-dessus l'autre, dans le fond par-dessus l'original, pour reproduire exactement la maquette d'iOS 7, mais dans Word complètement. Okay. Donc, il fait chacune des bulles de la bonne couleur avec le bon dégradé de couleur dans Word, écrit le texte par-dessus les icônes dans Word, refait chacun des icônes dans Word, pour te montrer que, dans le fond, Colin, on peut faire du graphisme dans Word, avec apparemment. Avec Word, ouais. Dur à croire. Petite vidéo d'une dizaine de minutes qui se regarde très, très rapidement. Ouais. Forme, couleur, espace, tout est reproduit au millimètre près. C'est Vaclav Krishi qui a réussi à reproduire ça sur Word. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com dans la section What Web. Pas compliqué. Sinon, allez sur Facebook. Sûrement que ça a déjà popé. Ben, c'est cool en tabarouette. Mais j'ai... Maintenant, quelque chose de peut-être un petit peu moins partagé en ce moment, c'est les 71 bières fictives d'émissions de télé et de films. Donc, c'est Fantastical Fictive Beers, un poster, une affiche disponible sur PopChart Labs qui montre 71 marques d'alcool comme ça dans des films et des émissions de télé. Super simple, l'une à côté de l'autre, et ça vous donne en dessous chacune des provenances. de ces bières-là. Si je clique dessus, okay, c'est donc bien écrit petit ça. Ah, c'est minuscule. C'est là qu'un 11 pouces, tu te dis, ouais, c'est pas très minuscule. Ben, même sur mon écran, moi, non. Allez sur le site d'origine pour le voir. Ça, ouais. Non, pas sur le site où je l'ai posté. Mais non. Quand même, Fantastic World Fictive Beers, on retrouve évidemment que Duff est là, là. Évidemment. Eh oui, c'est clair. Ouais. Ensuite, un autre poster. Non, je vais y aller avec celui-là en premier. C'est une console NES édition 25e anniversaire, Retro Master. Oh. Tu sais que la série de jeux Mega Man, le petit robot bleu, oui? Célèbre ses 25 ans. Oh, 25 ans? Ouais. Et sa suite en a 24. Et bien, les modders, les gens qui font des modifications de consoles, Platinum, chez Platinum Fungi, et Custom NES Guy rendent hommage à Mega Man un an à l'avance. Mega Man 2, dans le fond, c'est le 24e anniversaire de Mega Man 2, le 25e de Mega Man 1er, mais là, c'est l'édition 25e anniversaire du 2. Donc, à un an à l'avance, on se comprend. Donc, sur la console, j'ai des petits, je sais pas, c'est des écrans LCD, mais bref, on voit chacun des personnages briller dans le noir. Mm-hmm, oui. Très, très joli. Très c'est beau. Un design backlight, cut-out backlight, avec les 8 Robot Masters de Mega Man 2. Oh. Et c'est Custom NES Guy qui a fait la peinture de la console. La console est évidemment de la couleur de Mega Man, bleu pâle, bleu foncé, noir. Mm-hmm. Là, tu mets ça dans ta chambre, puis ça peut te faire une petite lumière, hein? une petite veilleuse. Ça va attirer les madames, ça, c'est sûr. Les petites médiums. Ensuite, un autre poster. Revenons à nos célèbres affiches. C'est une affiche mettant en vedette chaque personnage de la trilogie d'origine ou originale de Star Wars, La Guerre des Étoiles. Et donc, on les voit au complet là-dessus. C'est de Max Rebo jusqu'à Han Solo. Il y a un paquet d'autres personnages comme ça. C'est l'artiste Max Dalton qui a documenté tout ça sur un poster 18 par 24 pouces. Ça montre même les différents habits que portent Luke Skywalker, Han Solo et Leia Truc. Et ça inclut chaque étiquette en dessous pour être certain de vraiment identifier la personne. Présentement, c'est tout vendu, donc il n'y a pas de possibilité de l'acheter. C'est une édition limitée. Mais quand même, on peut l'admirer en ligne sur assemblagerequis.com. Tout à fait. Ensuite, on tient des robots de carton. Ben oui. Des robots de carton. Évidemment, ben oui, mais c'est cute du carton, hein. C'est, Ben oui, mais ça doit se faire dessus. Ben, apparemment que non. En fait, c'est l'artiste sur Etsy, le site de vente en ligne, Cardboard Myth. Et puis, apparemment que c'est parfait pour mettre sur son bureau. Vous pouvez les collectionner. Vous allez pouvoir trouver des mecs genre à la Gundam et un paquet d'autres choses qui pour moi, sont un petit peu, mm-hmm. un petit peu too much geeky, là. Mais quand même, ce qui est impressionnant, c'est que chacun de leurs membres sont articulés. Donc, tu peux le positionner un petit peu comme une figurine, oui. même si c'est en carton. Ah, c'est écœur, hein? Et tu peux commencer à construire ton propre robot de carton et ton armée de robots de carton sur Cardboard Myth et leur boutique Etsy, où ils vendent chacun de ces modèles-là pour $34 américains. Hey, mais c'est beau! Ça fait jaser comme décoration. Ça fait une super belle décoration, ouais. Pour vrai, non? Ensuite, tiens, c'est un genre de dessin de Mario. Encore une fois, quelque chose de très, très visuel à la radio, mais c'était en 2006 que ça a commencé. C'était le Mario Fan Games Galaxy Forum. C'est ce qu'on appelle la collaboration isométrique. Donc, un membre a créé une grille isométrique. Ça, c'est une grille genre cubique, si on veut. Et les autres membres pouvaient réserver jusqu'à 3 carrés. Et ensuite, chaque carré allait être rassemblé. Une fois que chaque artiste allait avoir créé son carré, on rassemblait ça pour faire une grosse image pixelisée. Et à travers les années, les collaborations ont eu des thèmes. Par exemple, Yoshi's Island, Super Mario World... Et bref, ça fait de l'art créé par différentes personnes, mais rassemblé ensemble. Et maintenant, ben, c'est finalisé. Vous pouvez voir l'image que ça a donné. Encore une fois, sur assemblagerequis.com, Street Fighter, Portal, Metroid et un paquet d'autres dans l'image qu'il y a sur le site. Pour vrai, moi, j'adore ce genre d'art-là. Je trouve ça très beau. C'est pixelisé, très 8 bits, même, je dirais peut-être plus 16 bits. C'est vraiment beau. À la Super Nintendo, moi, je mettrais ça sur mon mur, c'est clair. Ensuite, tiens, vous êtes tanné de votre timeline sur Twitter où tout le monde dit tout le temps les mêmes affaires, puis tu peux tout le temps identifier. Bon, ça, c'est clairement Simon Fitzbé qui a écrit ça parce que c'est chialage. Donc, friend flop est une expression. Désolé, mais ça paraît. Salut, Simon. Hello. Donc, c'est une extension de Chrome qui va mélanger les identités des gens sur Twitter et sur Facebook. Oh. Donc, dans le fond, tu vas voir un post du Dalai Lama, mettons, mais ça va être marqué que c'est Bill Gates qui l'a écrit. Et le contraire. Oh, malade. Donc, c'est vraiment cool. Ça s'appelle friend flop. Pour échanger vos amis sur Facebook. Vous pouvez compiler ça sur GitHub, aller chercher le lien sur assemblagerequis.com. Est-ce que tu te rappelles, et là, je n'ai jamais su comment le prononcer et je me suis jamais renseigné parce que je m'en sac un peu. MC Escher? sais, c'est l'affaire, c'est la célèbre œuvre où tu vois une maison et des escaliers qui vont dans tous les sens. Oui. On le voit souvent en parodie où les gens ont l'air de monter les escaliers, mais sont comme sur le mur, sont sur le plafond, etc. etc. Mm-hmm. Donc, ça s'appelle Relativity par MC, disons, Escher. Oui. Et quelqu'un a repris ça en Lego. C'est Ricardo Zandelmi. Donc, le choix de couleurs et de lumière dans son œuvre, ça fait vraiment que ça se démarque. Donc, il a fait ça pour une démonstration à Parma, en Italie. Et puis, ça va être affiché à côté de l'œuvre d'origine de Escher. Donc, quand même, un grand honneur d'être affiché à côté de lui. Ça lui a pris 15 jours pour assembler cette œuvre-là, qui est composée de 9000 blocs. Hey, c'est beau, là. Vraiment, là. Impressionnant. Hey, c'est classe au bout. Des vraies lumières, tout ça, qui spotent là-dessus. C'est vraiment sombrants. Magnifique. Escher. On va l'appeler Escher. C'est bon, à ton iPhone. Il va te dire. Siri, comment est-ce qu'on prononce? maintenant, une vidéo qui va vous faire sentir vieux un peu, c'est 18 ans de jeu sur la PlayStation, donc commémoré par Sony Royaume-Uni. Donc, c'est vraiment 18 ans de résumé. Et là, on voit ça sur une petite vidéo qui dure 3 minutes environ sur YouTube. Donc, on focus, on entre sur une télé qui montre le premier logo de la première PlayStation. Et là, ben, les deux amis qui jouent à ça, et là, le temps avance un petit peu, et il y a un genre de time-lapse où les choses ont changé, on revient sur la télé qui a changé, et c'est rendu une PlayStation 2, et plus tard, c'est rendu une PlayStation 3. Donc, c'est vraiment un hommage aux fanboys de Sony, ceux qui aiment beaucoup la PlayStation. Mm-hmm. On saute par-dessus le reste, parce que le temps file pas mal plus vite que prévu. Oui, donc on prend une petite pause. Ouais. Et on revient après ça. Qu'est-ce qu'on fait après? On va choisir les chroniques. Une musique chiptune? Peut-être qu'on va sauver du chiptune le reste de l'émission. Oh! On va au moins faire télévision. Et la geek est en devenir. Restez là. C'est vous. Toujours au Mathieu Plancho et toujours en compagnie de Marie-Ève Picard. Eh oui. Oui, et maintenant, tiens, sans perdre plus de temps, allons-y avec notre prochaine chronique. C'est celle où on parle de télévision ainsi que de télévision. Ouh. Donc voici Télévision. Commençons avec Canal+, qui s'en vient au Canada via Dailymotion. Ouh. C'est quand même cool, une chaîne française qui décide de s'implanter ici. Ouais. Donc, le groupe Canal+ va diffuser ses contenus en mode payant sur Internet au Canada via la plateforme française Dailymotion. Les séries, les films et les documentaires du groupe Canal+ seront accessibles depuis le Canada à compter de la mi-novembre pour 8$ par mois. À Montréal, ça a été annoncé dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma. Pour la chaîne française, c'est une grande première et une ouverture sur un segment de diffusion de films et de séries sur Internet, comme le fait l'américain Netflix, en se lançant au Canada auprès d'un public principalement dans la province francophone du Québec. Le groupe Canal+ vient se frotter à la concurrence de Netflix, qui a réalisé une percée significative au pays. Donc, l'offre de Canal+ va être pas mal moins abondante que Netflix, mais le prix va être quand même aussi inférieur, à peu près la moitié de Netflix. Les abonnés à la vidéo sur demande de Canal+ pourront voir les séries qui ont fait le succès de Canal+, une sélection de grands films européens et récents, et d'autres affaires comme ça, des séries comme Le Grand Journal et Les Guignols de l'Info. À partir de la plateforme Dailymotion, les Canadiens pourront avoir accès aussi à la vidéo sur demande avec des films en streaming. Ça se répète pas mal, hein? En streaming à partir de 3$. 3$ par film. Pas spé. Ensuite, Pacino Napoléon. Voilà. La star américaine. Comme elle dit, une chose double. La star américaine camperait l'empereur français dans une mini-série développée par Fremantle Media. Al Pacino tiendrait le premier rôle de The Man on the Rock, mini-série qui retracera la vie de Napoléon Ier. Le projet mené par Fremantle et le producteur Mark Sennett chercherait actuellement un diffuseur à la télévision anglaise. La série historique marquera le retour d'Al Pacino à la télévision après l'avoir vu dans Angels in America, la série dramatique de 2003, et les téléfilms La vérité sur Jack en 2010 et Phil Spector en 2013 pour HBO. C'est à peu près ça pour ce qui est intéressant de cet article-là. Ensuite, America Ferrera est de retour à la télévision. Ou pourrait l'être. C'est celle qui jouait dans Ugly Betty. Oui! Qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va faire, c'est le projet Damascus. Elle va incarner une nonne militante qui pratique le droit au nom des plus démunis. Ses croyances seront mises à rude épreuve lorsqu'elle rencontrera un avocat d'une grande firme. Ensemble, ils se heurteront à une secrète et puissante organisation qui cherchera à les nuire. En cas de concrétisation, donc si ça fonctionne, l'actrice américaine renouera avec le petit écran plus de 3 ans après l'arrêt de la série Ugly Betty, où elle a joué pendant 4 saisons le rôle de Betty Suarez. Elle se contente depuis 2010 de rôle passager dans la série Une femme exemplaire de Good Wife sur CBS. Maintenant, Fox s'intéresse à l'Égypte. La chaîne a annoncé avoir commandé 13 épisodes d'une nouvelle série historique et fantastique baptisée Hiéroglyphe. Passée près du feu vert il y a 2 ans, la série deviendra finalement une réalité durant la saison 2014-2015. La série va s'intéresser à la vie en Égypte lors de l'Antiquité à travers les actions d'un voleur de haut vol sorti de sa prison pour servir Pharaon. Derrière Le Choc des Titans et Pacific Rim, Travis Beecham a posé les bases de scénario sur le scénario de Hiéroglyphe. Le programme mélangera les genres avec des intrigues de cours, une exploration du monde criminel de l'époque, ainsi qu'une pincée de mythologie et de fantastique. Ça a l'air cool! Et quand même! Beaucoup de mélange de styles. Ouais. Le tournage va commencer début 2014. Maintenant, NBC déterre les morts. La chaîne américaine prépare pour la rentrée 2014 Babylon Fields, série dans la veine des revenants, proposée par le réalisateur Michael Cuesta et de son frère Gérald. La série dramatique plantera son décor à Babylone, ville américaine de l'État de New York. La vie de ses habitants sera subitement bouleversée par le retour de personnes mortes. Bizarre. Parmi eux, une jeune femme retrouvera son père qu'elle avait tué des années plus tôt pour avoir abusé d'elle. Quand même. Quand même touché, ça. C'est... Ouais, hein. Littéralement, en fait. Oui, oui. Pas de blague là-dessus. Non. Babylon Fields était à l'origine un pilote commandé par CBS pour la saison 2007-2008. Ça fait un bout. Écrit par Gerald Cuesta et Michael Atkinson et mis en scène par Michael Cuesta de Homeland, entre autres, en ce moment, et Six Feet Under. L'épisode test avait été refusé par le réseau. Le pilote a depuis refait surface sur Internet et est devenu un épisode culte. Dans lequel le public pouvait apercevoir les acteurs, les actrices Amber Tamblyn, Kathy Baker et Ray Stevenson. NBC accorde une deuxième chance à Babylon Fields, dont le sujet est désormais abordé à la télévision. On a déjà parlé du retour de Sailor Moon et on y revient. La série sera diffusée dans le monde entier en streaming et aura des sous-titres en 10 langues. Le remake de Sailor Moon, le dessin animé japonais, était prévu pour sortir à mi-2013 pour célébrer les 20 ans du manga original. Par la suite, les responsables du projet ont annoncé que la nouvelle série serait retardée indéfiniment. Et bien, le groupe d'idoles féminin Momohiro Clover Z a confirmé pendant l'événement 20e anniversaire de Sailor Moon que la nouvelle version de la série animée sera diffusée à travers le monde en simultané à cet hiver. Il sera diffusé sur le site Nico Nico. Donc, Momohiro Clover Z, l'éditeur Kodansha Comics et Naoko Takauchi, le créateur du manga Sailor Moon, ont annoncé la nouvelle version de l'animé l'an dernier. On va suivre ça. Amazing. C'est sûr qu'on va l'écouter. Est-ce que t'écoutais? J'étais jeune un peu. Mais j'en ai écouté un peu pas mal, là, quand même. Il fallait le suivre, on dirait, tout. Dans l'ordre. Hein, c'est... Ouais, c'est ça, pas ouais. Tout, mais tu sais, une couple d'épisodes, là. Maintenant, une panne de courant empêche South Park d'être diffusée pour la toute première fois. Oh no! Oui, rien n'empêche les créateurs de South Park de se moquer de leur tête de turc favorite, sauf une panne de courant. La chaîne Comedy Central a annoncé qu'une panne électrique survenue le jour même où la diffusion devait avoir lieu a fait en sorte que l'épisode prévu cette semaine n'a pu être complété. Comedy Central a précisé que tous les ordinateurs des studios de South Park avaient cessé de fonctionner pendant des heures, touchant tant à l'animation qu'au montage et au mixage sonore. Uh-oh. On se croirait... dans l'UQTA. L'épisode prévu, Goth Kids 3 Dawn of the Posers, n'a donc pu être terminé et la chaîne a diffusé une reprise mercredi soir. Passé. Bref, ça fait un bout. Le co-créateur du dessin animé, Trey Parker, s'est dit déçu d'avoir raté la diffusion prévue, mais a avoué qu'après des années à avoir livré ces épisodes à la dernière minute, c'est le principe de South Park. Il parle de nouvelles qui viennent juste d'avoir lieu. Ouais, c'est ça. Leurs épisodes sont basés sur l'actualité. Mm. Ce qui est bizarre quand tu le regardes en français 2 ans plus tard. Oui, c'est ça, ça fonctionne pas. Là, pas tellement. Donc, la diffusion de God Kids 3 a été reportée à la semaine prochaine. Oh. Triste, première fois de la vie. L'électricité a tué Kenny, espèce d'enfoiré! C'est bon ça. Une version africaine de Desperate Housewives maintenant. Ah. Le diffuseur africain Ebony Live TV va faire équipe avec Disney Media Distribution pour produire une version nigérienne de la défunte série à succès Desperate Housewives. Beauté désespérée. La nouvelle série va être connue sous le nom de Desperate Housewives Africa. Ils ne sont pas cassés à la tête, hein? Ben, pas tant. Va être coproduite par Ebony Live TV et Disney et sera diffusée l'été prochain. La série originale, créée par Mark Sherry et produite par ABC Studios, a été diffusée sur plus de 200 territoires à travers le monde. Quoi qu'il en soit, ABC a mis un terme à la série en 2011 après 8 saisons. C'est la sixième, donc la version africaine, la sixième adaptation de l'émission. Il y a eu des versions locales en Turquie, Argentine, Colombie, les territoires hispanophones des États-Unis et le Brésil. Est-ce que tu penses que ça va vraiment bien suivre le scénario établi? Là? C'est ce que ça dit. Ça dit que ça va suivre très près le scénario de la série originale américaine. Ça va être en vedette une distribution africaine incluant des acteurs émergents et établis. Donc quand même, ils vont chercher des noms connus et des noms complètement inconnus, ce qui est une bonne idée en tant que tel. Mmh. Ça tire un petit peu les auditeurs, les téléspectateurs avec les vedettes. Oui. Ouais, c'est ça. Ça leur fait découvrir du nouveau talent. Exactement. Et les autorités chinoises veulent limiter les téléréalités. Ah, okay. Oui. Les autorités chinoises souhaitent limiter la quantité de téléréalités ou concours de talent diffusés à la télévision. Ces émissions, notamment des versions chinoises de succès américains comme American Idol ou The Voice, sont présentées par chaînes satellites à travers le pays et obtiennent d'énormes codes d'écoute, générant du même coup beaucoup de revenus. L'agence de presse Xinhua News rapporte que les concours de talent à la American Idol devront dorénavant obtenir l'approbation de l'agence gouvernementale chargée de la télédiffusion. Donc, une seule émission du genre par chaîne sera permise chaque trimestre en heure de grande écoute. C'est quelque chose, hein? Quand même assez serré. Ouais. Les nouvelles règles exigeront également dès l'an prochain qu'au moins 30% du contenu hebdomadaire des chaînes satellites soit lié à l'information, l'économie, la culture ou la science. Ça, c'est pas mauvais. Le gouvernement a tenté à plusieurs reprises de limiter le nombre de téléréalités à l'américaine et autres émissions légères sur les ondes des chaînes satellites en heure de grande écoute, soi-disant pour mettre un frein au contenu vulgaire pour faire la promotion d'une utilisation plus efficace des ressources. Mais Liu Xianying, spécialiste en politique de l'Académie chinoise et sciences sociales, croit que les nouvelles règles ont été mises en place parce que les chaînes satellites volaient trop de téléspectateurs à la chaîne publique. Évidemment, c'est une question de censure, c'est une question de faire le plus d'argent possible sur le dos des gens qui regardent la télé. Je sais pas, il me semble que le gouvernement régisse comme ça ce qu'il y a... Mais bon, c'est en même temps, le CRTC va demander un certain contenu canadien. Ouais, on a ce genre de règles-là. Ouais, on peut le voir de même. Là, peut-être pas sur le contenu, au moins sur la provenance. Ouais, exact. Même que je pense qu'il pourrait y avoir plus de télévision canadienne. Si tu regardes les grands réseaux comme CTV et Globa en heure de grande écoute, le contenu canadien est dur à trouver, sinon inexistant. Là. Ouais. Moins cette année, il y a plus de sitcoms canadiennes que les années passées, donc ça, c'est bon à voir. Mm-mm. Même qu'ils sont pas mal bonnes, leurs émissions canadiennes sitcoms. Je suis content de voir ça. Donc voilà pour Television. Je crois qu'on devrait y aller avec la chronique « C'est un fait, Tech Edition ». Qu'en dis-tu? Ah oui, si on se dépêche, on a le temps de l'insérer ben comme oui, ça, ben subtilement. Oui. Vas-y. C'est un fait, Tech Edition. C'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet et édition technologique, hein? Selon Internet. Selon Internet, oui, c'est pas toujours tout à fait vrai et on se le fait dire dans ce temps-là, c'est normal. Donc, commençons le voilà. En 1938, en date du 22 octobre, Chester Colston, qui était tanné de faire des copies à la main ou de prendre des photos de ses paperasses de brevets, a décidé de créer une façon plus facile. Et ce jour-là, 22 octobre 1938, il a créé la première image électrophotographique. Et Xerox allait plus tard rendre ça encore plus populaire. C'était, dans le fond, la première photocopieuse. Et ça a rendu Carlson rich. Rich. En 2009, toujours le 22 octobre, c'était la sortie de Windows 7. Et étrangement, encore aujourd'hui, c'est la seule version qui est disponible sur Internet de Windows 7, celle qui date de 2009, et qui a 342 000 mises à jour à faire, et ça prend environ 6 heures à faire, selon mes calculs. C'est interminable. C'est fou raide, l'installation de Windows 7. Tout le temps. Il y en a d'autres. Ah, que ça me frustre, ça, Windows... Alors, en tout cas, on n'en parlera pas trop, ça me stresse déjà, ça de même. 20 octobre 1975, Atari passe, dans le fond, demande un brevet pour le premier cabinet d'arcade à cockpit, donc qui littéralement te met dans le jeu. Le jeu Highway était le premier jeu d'Atari à utiliser le cabinet, où t'es vraiment complètement entouré d'une arcade. Mm-hmm. C'était un jeu de course à la première personne où tu devais éviter les voitures et conduire. Mmh. Intéressant. Oui. Pardonnez-moi. 19 octobre en 1832, Samuel Morse a conçu pour la première fois un système de télégraphe électrique. Donc, en tout cas, c'est ce qu'il a dit plus tard. Il a dit que c'était ce jour-là. Mais il n'y a pas de preuve vraiment que c'était le 19 octobre. Mais quand 1832. 18 octobre maintenant, 1922, 6 compagnies de télécommunications se rassemblent pour fonder la British Broadcasting Company pour fournir des diffusions de radio en Grande-Bretagne. Et la compagnie privée a plus tard été remplacée par je sais pas si on peut dire OSBL, vraiment pas. C'est l'organisme non commercial British Broadcasting Corporation, la BBC, en 1927. En 1985, Nintendo présente pour la première fois la Nintendo Entertainment System, la NES, au FAO Schwartz, un magasin de New York. Un petit jeu nommé Super Mario Brothers a été présenté pour la première fois le même jour. En tout cas, ça, il y a des débats là-dessus sur Internet qui ne finissent plus. Il y en a qui disent que c'est le même jour, donc que c'était l'année suivante. Bon, peu importe. Il a été testé dans le marché de New York et a éventuellement conquis le continent, devenant un classique du 8-bit. Donc là, on parle de Super Mario Bros. Et le 17 octobre 1907, Guglielmo Marconi, donc sa compagnie a débuté le premier service de radio commercial sans fil, et le Canada a reçu un peu de cette technologie-là en premier. Glace Bay, en Nouvelle-Écosse, a été capable de transmettre jusqu'à Clifden, en Irlande. Le service a été utilisé comme service de télégraphe transatlantique. Et en 1990, le colonel Needham a posté un software package, donc un logiciel sur je sais pas si on appelle ça un bulletin board à l'époque, les rec.arts.movies, c'était un genre de forum où les gens pouvaient parler, discuter en ligne. C'est ça. Et puis, c'était une liste de films qui était cherchable, une liste d'acteurs et de films, en tout cas, quelque chose comme ça. Et ça a déménagé sur le web en 1992 et c'est devenu l'IMDB, le site de référence pour le cinéma et la télé de nos jours, imdb.com, le site que tout le monde visite. C'est le premier résultat quand tu cherches la plupart des acteurs. Donc, ça a commencé en 1990, le 17 octobre. Ah, quand même! Maintenant, parlons de faits at large un petit peu plus. Donc, les publicités numériques, qui sont responsables de 20% de toutes les dépenses publicitaires sur le web en 2012. 20%. On parle des publicités numériques. 40% des marques les plus connues sur le top 100 de Interbrand sont sur Instagram. Donc, on parle de grandes compagnies, le top 100 des plus grandes compagnies du monde. 40% sont sur Instagram, 51% sont sur Pinterest, 64% sur Google+, 94% sur Twitter et 98% sur Facebook. Donc, Facebook et Twitter, c'est là qu'il faut être si on est une compagnie. Je pense que c'est assez évident. Ouais, c'est ça. 119 millions de télés américaines seront connectées à Internet d'ici 2015. C'est 51% de plus qu'en 2013. Là, on parle de télévision connectée à Internet, donc tu peux aller voir ton Netflix sur ta télé sans petite machine à part. C'est beaucoup, hein? C'est 119 millions. Wow. Juste aux États-Unis. Ah oui, c'est ça. Les sites de Google ont attiré 191 millions de téléspectateurs, de visiteurs américains en décembre 2012. C'est comparé à 185 millions pour Yahoo et 169 millions pour Microsoft. Deux tiers des joueurs sur téléphone cellulaire ont moins de 45 ans. Donc, les gens qui jouent à des jeux vidéo sur cellulaire. Google bloque les recherches pour le sujet suivant. 10000, 10000, parce que ça essaie de bloquer les recherches pour des numéros de carte de crédit. Donc, sur Google, si tu tapes le nombre de chiffres qu'il y a dans une carte de crédit, tu ne pourras pas trouver. Ben voyons, toi. C'est le fun. Quand même. C'est une bonne idée. Oui, ben oui. Les employés de chez Amazon.com passent 2 jours à chaque 2 ans à travailler au bureau du service à la clientèle. Même le président, le PDG de Amazon.com, passe 2 jours à chaque 2 ans au bureau du service à la clientèle pour voir comment c'est de recevoir les commentaires du public. Ah ouais, mon Dieu. C'est obligatoire. Ils font ça. C'est une bonne idée, vraiment. C'est un peu comme l'émission... Big Bad Boss, Boss Addiction, Big Brother Boss. En tout cas, que le boss, là, genre, prend la place d'un employé, mettons, pour voir comment ça se passe pour de vrai dans la vraie réalité. Réalité, exactement. C'est bon, cette émission-là, quand même. Oui, quand même. C'est Undercover Boss. C'est exact. C'était loin dans ma tête, ça. Oui, quand même. 69% des adultes américains ont déjà magasiné sur Amazon.com, 69%, depuis les 12 derniers mois. Je m'excuse, pas à vie, depuis les 12 derniers mois. 55% ont magasiné chez Walmart sur Internet, 49% chez Target et 34% sur eBay. Ah ben. 85% des utilisateurs de médias sociaux sur les téléphones cellulaires vont faire confiance aux critiques de restaurants en ligne par rapport aux gens qui sont aussi des clients de restaurants. Dans le sens que 85% des gens vont faire plus confiance aux utilisateurs communs, c'est genre n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, et non pas à des sites de critiques professionnels sur Internet. OK, ouais. T'sais, les grands sites de recommandation de restaurants. Ouais, on sait tout ça. Les critiques là, sont faites pour ça. Là. Et voilà. Et ils veulent être bien servis la prochaine fois. Exact. Je sais pas. On dit ça, mais peut-être qu'ils ont une éthique journalistique quand même plus élevée que ça. Mais rien de mieux que d'y aller toi-même et de vérifier par toi-même. C'est tout à fait ça. Les goûts sont dans la nature, des fois. On peut passer à côté de quelque chose. Et on va être rendu à la fin de l'émission, ou presque, à la geekette en devenir. Et malheureusement, je dois t'annoncer que j'ai pas ta chanson thème. Oh non! Ben là, d'abord, chante-moi là. La la la la la la la la la la. Donc c'est la guitare de venir. On va te remplacer ça par une chanson. Je vais te le dire tout de suite par Jay Red qui s'appelle Metal Drive et qui fitera pas du tout. Ben non, je l'entends là puis je me dis. C'est une musique de course de char. Ça là, me déconcentre là. Je saurais pas quoi dire. J'aime mieux ça que de ne pas avoir de musique de fond, malheureusement. Ouais, ouais. Tu m'en excuseras. Ouais. Donc, on va parler un petit peu de ce que tu as trouvé cette semaine sur Internet. Et comme d'habitude, j'imagine, je m'attends à avoir au moins une nouvelle sur les princesses de Disney. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, t'es-tu en train de me mélanger, là? C'est pas par ça que je voulais commencer. Ça commence pas par ça, ben, mais pas on s'en vient. OK. Tant pis, on va commencer par ça d'abord. Je te laisse faire, c'est toi le boss. Oh, je te dis. Ben oui, écoute, il y a un artiste qui s'appelle Isaiah A. Stevens, en tout cas, on va dire qu'il s'appelle comme ça, qui a dessiné, dans le fond, qui a mis des photos des princesses, mais déguisées pour l'Halloween. Oh! Avec des costumes, mettons, de d'autres. C'était une bonne idée de faire ça maintenant, pour vrai, avec l'Halloween qui s'en vient. Ben oui, c'est vraiment cool, là. C'est vraiment drôle, là. Comme par exemple, il y en a une, je sais pas trop, c'est qui cette princesse? Ah, je pense que c'est Blanche-Neige. Ah, OK. Oui. Ben, il y en a des fois, ça peut être difficile à les reconnaître. Oui, ben c'est ça. Alors, comme Blanche-Neige, elle est déguisée en Wonder Woman. OK. Donc, ouais. C'est pas nécessairement des styles qui leur... ça leur va très bien. Oui, c'est mais ça. Mais tu t'attendrais pas à ça. Mais. Non, exactement. Ben écoute, c'est l'Halloween, hein? Exact. Il faut oser. Puis, il y en a un autre, je crois que c'est peut-être Cendrillon, là, mais je suis pas certaine. elle est déguisée en la fille des Power Rangers. Ah, OK, en oui. Rose. Oh, je le vois, c'est cute à mort. Oui. Oh. C'est j'aime, cute, hein? J'aime aussi. Est-ce que tu as mentionné la rousse dans le film Brave? Non, pas encore. Ben, elle est là. Elle je sais est pas là. En quoi qu'elle est déguisée, mais allô? Elle est là pareil. Ouais, moi non plus, je sais pas en quoi. Il y en a qu'on sait pas, là. C'est comme pas évident, là. Puis, il y a une autre princesse. Je sais pas si c'est Belle ou en tout cas, elle a les cheveux longs bruns. Elle est déguisée en la femme chat. Catwoman? J'ai changé la musique de fond. Miaou! Miaou! Ah, c'est cute! Miaou! Ouais. J'adore, il est pour vrai, là. C'est cute. On dit à chaque fois qu'ils ont du talent, on est super redondant, mais quand même. Mais non, mais c'est drôle, regardez ça. C'est ça. C'est beau, c'est cute. Ça fait changement. Ma belle Ariel. Ma belle. Les belles rousses. Oui, ah ben, tu sais. Hein? C'est comme ça. Chacun ses goûts. Bah, bah, bah. Eh oui, voilà. Et puis, donc, c'est ça. Donc, pas un, mais deux fois des princesses aujourd'hui. Non. Oui. C'est trop pour moi, je suis pas capable d'apprendre ça. Ben, au pire, enlève tes écouteurs et écoute pas. Et bon, va! Ouais, hey, salut! On s'ennuiera pas de moi partout, de toute façon. De toute façon, c'est le bout de fille, là. Fait c'est que... ça. Faudrait pas que je parle autant dans ta famille. Non, c'est ça. Ben non, c'est bien correct, c'est bien correct. Donc, c'est ça. En fait, l'autre, c'est c'est les quatre princesses de Disney qui sont déguisées, dans le fond, qui sont en une variété de... Un peu comme on pourrait dire les Ninja Turtles. Ah, OK, un peu oui. Genre. Mmh. Ouais, ouais. Mais sans être Ninja Turtle, sans avoir le déguisement, je veux dire, des Ninja Turtles. Mais dans le fond, là, qu'ils s'en vont comme combattre, là, on sait pas trop quoi. Là. Mais, quelque chose de bien méchant. Oui, c'est ça. Dans le fond, la seule affaire des Ninja Turtles qu'ils ont, c'est leur bandeau. OK. Alors, c'est cute. Ils ont des épées, des bâtons dans les mains, c'est un bouclier, tout. Wow. Exactement. Avec Belle, Jasmine, Pocahontas et Ariel. Et celle-là, on peut l'acheter. Oui. 18$. Oui, exactement. Plus. Oui. Quand même, pour de l'art comme ça, ça peut valoir la peine. Moi, ben je ça fait que... beau, là, dans un bureau, mettons. C'est ça. Je vais sortir des mots, éventuellement. Oui, vas-y, et de un, j'achèterais plus celle qu'on a mentionnée juste avant. Je trouve que c'est encore plus beau, celle, la première que tu nous as mentionnée. Ah oui, hein. La les princesses déguisées, là. Stevens, exactement. Ouais. Pour ça, je l'achèterais. Là. Ah, oui. OK, tu peux. Okay. Je te donne la permission. Merci. OK. et voilà, ben c'est ça. Et en fait, pour terminer, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour l'être cher? Pour la personne qui te le demande si gentiment et qui... Ben oui, comme mettons... Hey Mathieu! Oui, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux me demander encore? Écoute, hey, je te poserais là, comme ça, puis je te mettrais sur Etsy. Faudrait que t'aies de l'air triste. Donc, tu fabriquais des produits et tu voudrais que je les utilise pour que tu puisses me prendre en photo pour vendre tes produits. Pour faire de l'argent sur mon dos, je suis une pute, coudonc. Hey, comment? Ah oui. Écoute, disons-nous les vraies affaires. Là. Si on veut que ça se vende, il faut mettre un Mathieu Plante triste. Mathieu Plante, t'es une pute. Oui. Merci. Voilà. Hey, c'est pas pire? Pas pire, hein? Je l'ai dit moi-même. Alors, c'est ça. Donc, on voit des images, là, des... le charmant garçon qui ont, se sont laissés avoir par qui ont leur... Qui l'air tellement heureux, hein? Oui. Tellement. Ben, c'est ça le but. Alors, ils se sont laissés avoir par leur blonde et se sont fait poser avec qu'est-ce qu'elles font. Avec un petit look triste. Et c'est un blog Tumblr, donc il y en a à chaque quelques jours qui sont postés là-dessus. Exactement, exactement. Magnifique. Et bien voilà. Merci, Marie-Ève Picard. Ben, ça me fait plaisir. T'as bien fait ça. Ah, ben merci. Une autre collègue de la Geekette en devenir. Yay! C'est magnifique. Et en passant, pour ceux qui apprécient le fond qui est utilisé en ce moment, c'est l'artiste Laffy de Fox et la pièce Circus Fox. Je l'ai beaucoup aimé cette semaine. Je ne la ferai pas jouer au complet en ondes sans parler par-dessus. Je vous propose le lien sur assemblagerequis.com. Et vous pouvez aussi télécharger la pièce gratuitement sur SoundCloud en passant par le même lien. Mm-hmm. Et pour vrai, Laffy de Fox est un artiste que j'aime beaucoup. Donc, allez l'écouter. Ouais. Pourquoi pas. Pendant que nous, on termine une autre édition du Mathieu Plante Show. On se retrouve mercredi prochain entre 16h et 17h. Ça va être un autre parti de plaisir, comme toujours. Oui. Puis on est aussi en rappel les samedis à 15h. Vrai? Ben oui, c'est vrai. Vrai, juste à la mauvaise heure pour qu'on puisse pas l'écouter en voiture parce qu'on arrive tout le temps juste après la fin de l'émission. Ouais, c'est ça. C'est tout comme ça. C'est pas grave, on la connaît, l'émission. On l'a fait, on était là. Ben oui, c'est ça. Allez voir si vous pouvez pour la programmation complète. Note de l'émission balado diffusion sur assemblagerequis.com. Merci Marie-Ève Picard. Merci Mathieu Blanc. Et de la part de toute l'équipe fictive, passez une excellente semaine. Bye bye. Sayonara. Oh, bye. Ciao, Bella. Oh.